Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, une histoire, une nouvelle qui s'appelle « Les règles », écrite par Anna Starobinet, qui est donc une écrivaine née à Moscou en 1978. Elle écrit des romans, des nouvelles, qui lui ont valu le qualificatif de « reine russe de l'horreur ». On va commencer. Les crevasses de l'asphalte faisaient la loi, telle une menace. Il y en avait trop. Elles brisaient le rythme. Sacha trottinait dans la rue, ses mains moites enfoncées dans les poches de son jean. Pour avancer, la règle était la suivante. 4 petits pas, enjamber une crevasse, repartir du pied droit. Encore 4 pas, puis recrevasse, noir, rongé sur les bords, et repartir du pied gauche. Le problème, c'était que les crevasses tombaient tantôt au troisième, tantôt au deuxième pas. L'obligeant à ralentir brutalement, il trébuchait, changeait précipitamment de pied, mais ce n'était jamais le bon qui se retrouvait à enjamber la crevasse. Et ça le terrifiait. Alors il continuait son chemin en essayant de repérer la prochaine crevasse du coin de l'œil, mais sans regarder dedans. Sous aucun prétexte, interdiction de voir les papiers de bonbons, les tessons de bouteilles, les pièces et les touffes d'herbe maculées d'huile de vidange qui en tapissaient le fond. Pour cela, se concentrer sur les bandes noires, leur délimitation abrupte qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Dans le métro, les règles changèrent subitement. Les carreaux abricots du quai jouaient à un autre jeu. Là, au contraire, il fallait marcher sur les bordures, mais en s'arrangeant pour qu'elles tombent pile au milieu de la semelle. Il avançait plus facilement maintenant. Même si les bordures revenaient plus souvent, les carrés étaient réguliers, ce qui permettait de garder le rythme. Quelque part, à mi-chemin, les carrés libérèrent soudain Sacha de leur poigne de fer géométrique. Et la voix silencieuse qui dirigeait le jeu, cette voix qui ne se trompait jamais, lui déclara presque tendrement « Pause, liberté absolue, tu peux avancer comme tu veux ». Confiant, Sacha leva le pied et continua son chemin en sautillant, sans regarder par terre. Son père le prit par la main et ils franchirent la bande étroite et obscure qui séparait le quai de la porte du train. Ça y est, il se trouvait dans la rame. Au déjeuner, on mangea du chou aigre et de l'esturgeon aux pommes de terre. Lorsqu'à la forte odeur de poisson venaient s'ajouter les violons d'un concert radiophonique, sa mère avait l'impression de toucher au summum du bonheur domestique. Le même scénario plongeait en revanche son père dans un cafard inexplicable. Alors que les champignons aux pommes de terre le mettaient d'humeur joyeuse. Il avait aussitôt une envie irrépressible de téléphoner. Sacha n'aimait pas le poisson. Mais vu qu'il y avait du phosphore dedans, c'était l'une des tortures alimentaires obligatoires. Du bout de la langue, Sacha tâta la bouillie qu'il avait stockée à l'intérieur de ses joues. Une arête malencontreusement oubliée risquait de lui transpercer l'œsophage ou même de lui remonter jusqu'au cœur par les vaisseaux sanguins. Vérification faite, il partagea la chair pré-mâchée en petites boules et à contre-cœur entreprit de les avaler une à une. « Sacha, arrête de te balancer sur ton tabouret, ça dévisse les pieds !» cria sa mère, agacée, avant de se tourner vers son mari. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que les arêtes se jettent dans la poubelle de gauche. Celle de droite, c'est pour ce qu'on donne aux chiens des voisins. » Avec un sourire docile, son père plongea les doigts dans la brique de kéfir découpée qui servait pour les petits déchets alimentaires et en retira les arêtes. Il se départait rarement de son expression bienveillante. D'abord, son visage s'y prêtait. Une crêpe toute ronde, rasée de près, avec de bonnes grosses lèvres. Et puis, il avait 10 années d'entraînement. Dès le début de sa vie conjugale, il avait appliqué à la lettre l'enseignement de Dale Carnegie, souris. Ce qui tombait bien, puisqu'il avait un sourire charmant. Ils en étaient ôtés quand le téléphone sonna. « Sacha, décroche, tu es à côté. » Il attendit la 4e sonnerie pour répondre. Exactement comme l'aurait fait son père. « Allô ? Oui, j'écoute. » Le combiné produisait un léger crépitement. « Allô, allô ?» gazouilla une jolie voix féminine qu'il ne connaissait pas. « Tu peux me passer ton papa, s'il te plaît ?» Avalant une dernière bouchée de gaufre aux noisettes, son père s'empara de l'appareil, le visage toujours aussi souriant. « Allô ? Oui, j'écoute. Non, vous vous êtes trompé de numéro ?» 5 minutes plus tard, les notes mélancoliques de la lettre à Élise vibraient dans la poche du pantalon paternel. « Qu'est-ce que c'est encore ? C'est épuisant à la fin. « Allô ? Oui ? J'écoute. Que puis-je pour vous ?»« Bonjour, Victor Alekseevitch. Oui, tous les papiers sont prêts. Enfin, si c'est très urgent, je peux vous les apporter aujourd'hui. » Une fois derrière la porte de la cuisine, la voix paternelle s'apaisa. Sa mère posa avec fracas un couvercle sur la casserole de soupe et la glissa dans le bas du frigo. Les yeux fermés, Sacha restait allongé sur le dos. Il n'arrivait pas à s'endormir dans cette position. Mais les règles lui interdisaient de se tourner tout de suite sur le côté. Se mettre d'abord sur le dos, de toute façon, il allait encore devoir se relever et rallumer la lumière, dès que ses parents seraient couchés et ne risqueraient plus de remarquer la bande jaune qui allait filtrer sous la porte de sa chambre, dévoilant ses activités criminelles. Il était plus de 11 heures. Autrement dit, selon les règles en vigueur dans la famille, l'heure pour Sacha de dormir. Mais selon les autres règles, il devait se relever et vérifier si le vase était placé comme il faut sur le rebord de la fenêtre. Cette obligation était récente. Alors qu'avant, le jeu s'arrêtait toujours la nuit. Il se prolongeait maintenant de plus en plus souvent. À la lumière électrique, certains objets échappaient à son attention, mais dans l'obscurité, il les remarquait immédiatement. Aussitôt, une vague de sueur froide l'engluait. Si ça se trouvait, il n'était pas placé comme il faut. Et depuis longtemps en plus. Parfois, lui revenaient à l'esprit des objets dont il n'avait pas rectifié la position depuis quelques jours. Si on les laissait comme ça, un événement allait se produire. Un événement horrible et irréversible. Un événement qui ferait de sa vie un cauchemar et briserait le cours des choses. Si l'on rectifiait, mais pas tout de suite, ce seraient des embêtements anodins. Et si l'on rectifiait à temps, rien ne se produirait. Les règles ne prévoyaient aucune récompense, seulement des punitions, seulement la peur permanente de commettre l'erreur. Pour l'instant, c'était le vase qui l'inquiétait. Avant de se coucher, Sacha avait vérifié sa position, mais à présent, il lui semblait quand même un peu trop à droite, d'un cheveu. Il se leva et ralluma. Le vase était placé presque comme il faut, mais Sacha devait à tout prix y toucher, le déplacer d'un millième de millimètre vers la gauche. Il tendit la main, poussa le vase, vite, et regagna son lit. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, il avait enfin pu se tourner sur le côté. Quelque chose lui dit qu'il ne devait pas relâcher sa vigilance. Il restait encore des objets à replacer comme il faut. Il se leva de nouveau et faillit pousser un cri d'horreur en rallumant. Il y avait du désordre partout. Livres, cahiers, manuels, photos, posters, ballerines en porcelaine, calendriers, stylos, trombones, claviers d'ordinateur, cassettes et jusqu'à la couverture qui conservait encore la forme de son corps. Rien n'était placé comme il faut. C'était le chaos, un chaos total et agressif. Le grand rire cauchemardesque d'objets soudain vivants. Une véritable guerre déclenchée par ces rayons, ces crayons, ces gommes, les taches sur le sol, les rideaux aux fenêtres, les ombres sur les murs. Pendant quelques secondes, Sacha demeura immobile, t-shirt blanc, slip rayé et chair de poule. Puis, d'une main fébrile, il remit chaque chose à sa place, intervertit les objets, en déplaça un d'un centimètre, un autre d'un millimètre, effleura. « Tu ne dors pas ? Mais tu as vu l'heure ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère se tenait sur le seuil de la chambre, irritée, le visage fatigué, sans son maquillage. « Je cherche mon cahier. J'ai contrôle !» bredouilla Sacha d'une voix à peine audible. Et d'un bond, il se pendit au cou de sa mère, enfouit ses lèvres froides dans le chignon de cheveux roux qui sentait la sueur et le chou aigre. Il replaça furtivement l'horrible pince à cheveux, celle avec une perle de verre, une légère poussée vers la gauche. Il avait sauvé sa maman. Il se recoucha pour se relever une demi-heure plus tard. Il avait encore deux ou trois choses à terminer. Puis il songea à sa mère et à son père qui devaient dormir dans une pièce sans rien comme il faut. Il attendit encore un peu. Puis se dirigea vers leur chambre, à petits pas sur le parquet glacé. Il ouvrit lentement la porte, alluma la lumière, se précipita vers la coiffeuse, les étagères pleines de livres, la pile de revues. « Vite !» tant que sa mère, éblouie par la lumière, ne voyait pas ce qu'il faisait. Et avant que son père ne saute du lit et ne l'arrache, hurlant, trempé de larmes et de bave, des stores qu'il devait absolument relever. Le lendemain matin, sa mère lui fit décrire le jeu dans ses moindres détails. De sa voix aux intonations métalliques, elle prononça des paroles apitoyées et caressantes, des paroles confiantes qui parvinrent à faire taire la voix, la silencieuse, celle à laquelle Sacha obéissait depuis plus d'un an. Se soustrayant aux poisseux baisers maternels et aux mains importunes qui cherchaient sans cesse à lui caresser la joue, Sacha convint avec soulagement que non, les règles n'existaient pas, que c'était lui qui les avait inventées et qu'il suffisait de ne plus les suivre. Un point, c'est tout. Sans les règles, les crevasses du chemin de l'école furent encore plus pénibles à franchir. Recroquevillé sous son sac à dos, Sacha marchait avec la sensation qu'en empiétant sur les tortueuses lignes noires, il tuait quelqu'un ou précipitait l'arrivée d'une catastrophe horrible. Le chemin du retour fut plus facile. En deux jours, les crevasses n'étaient plus des crevasses, mais des ennemis vaincus, devenus inoffensifs. Il les piétinait effrontément, avec une joie mauvaise. Sans doute les tourmentait-il en refusant de jouer, mais l'arbitre avait visiblement entériné sa victoire totale. Personne ne l'avait puni pour avoir enfreint les règles. Il n'y avait pas eu de coup de tonnerre et pas d'éclair. Son premier soir sans les règles, Sacha fut au supplice. Par dizaines, les objets se regroupaient de façon anarchique sur la table, l'armoire, les étagères et le rebord de la fenêtre. Étonné de sa négligence, il prenait les positions les plus incorrectes sans qu'il les punisse. Dès que l'obscurité fut tombée, ils en profitèrent pour se montrer menaçants. Ils se contorsionnaient et lui laissaient entendre que ça y était, l'erreur avait été commise. Et que des conséquences fatales, irréversibles, n'allaient pas tarder à survenir, qui changeraient monstrueusement la face du monde. Pas l'un de ces petits malheurs quotidiens dont maman disait « Ah, on l'a pas senti passer, non ?» Simplement, des événements d'apparence bénigne, agréables même, allaient s'enchaîner. avait déjà commencé à s'enchaîner pour former un horrible serpent qui conduirait à la catastrophe, puis à la fin. Sacha repoussa sa couverture, mais resta couché. Se lever maintenant équivaudrait à reconnaître sa défaite, ou, à en croire maman, sa maladie, sa lâcheté. Vraiment, que pouvait-il y avoir de plus stupide que de quitter un lit bien chaud afin de déplacer un plumier de 5 ou 6 centimètres ? Pour se calmer, Sacha glissa une main froide et humide dans son slip. Il se caressa lentement en comptant jusqu'à 3. Stop. Encore jusqu'à 3. Et de nouveau 1, 2. Soudain, il retira sa main horrifié. Le souffle court et ravalant ses larmes, il se recroquevilla. Il avait oublié de supprimer cette partie du jeu. Inutile désormais de compter jusqu'à 3. C'était même interdit maintenant. Quand Sacha revint de l'école, il eut d'abord l'impression qu'un chien hurlait dans la cuisine. La voisine nourrissait mal le sien, peut-être qu'il avait réussi à se faufiler chez eux. Il entr'ouvrit à peine la porte, juste de quoi jeter un coup d'œil, méfiant. Il avait peur des chiens et ne s'en approchait jamais. Pour éviter que les tiques accrochés à leurs poils ne se faufilent sur ses doigts et ne le paralysent pour toute la vie. Et aussi pour éviter d'attraper la rage et vous met continuellement l'écume aux lèvres. Aucun chien en vue. La bête avait dû se cacher dans un coin ou derrière le frigo. Sacha ouvrit un peu plus grand la porte et pénétra dans la cuisine. Pas de chien, seulement sa mère. Assise à un coin de la table, les yeux plissés, elle se balançait bizarrement, de droite à gauche, étalant d'un doigt le gloss rose qu'elle s'était mis sur les lèvres. Elle gémissait. Sacha prit peur, reculant d'un bond vers la porte. Il heurta une tasse pleine de thé qui se trouvait sur la table. Le liquide refroidi se renversa sur ses mains et son pull. Sa mère ouvrit les yeux, regarda tomber les gouttes brunâtres et dit « Papa est mort ». Sacha tourna les talons. Dans la salle de bain, très minutieusement, il se lava 10 fois les mains au savon, même s'il n'avait pas caressé de chien. Sa mère ne pleura pas à l'enterrement, et après non plus. Sacha comprenait que cette absence de larmes était due au corps de femme désarticulé qu'on avait retiré en même temps que le cadavre de son mari, de la carcasse en pestant le parfum et le sang. On enterra son père dans un cercueil fermé et Sacha ne put vérifier s'il y était allongé comme il faut. Sur le chemin du retour, la voix, muette depuis 6 mois, se fit entendre de nouveau. Elle était très calme. Elle avait de la peine pour Sacha, mais elle constata qu'il n'y avait qu'un seul coupable dans toute cette histoire, lui. D'un ton à la fois peiné et réprobateur, elle lui énonça les nouvelles règles du jeu, des règles bien plus compliquées que celles d'avant. Après le repas de funérailles, sa mère accompagna les derniers invités et s'assit dans son fauteuil, où elle demeura immobile jusqu'au soir. Quand il commença à faire sombre, Sacha s'approcha d'elle, assez lentement, pour avoir le temps de compter jusqu'à 7. « Maman, tu n'es pas assise comme il faut !» dit-il alors. Aucune réponse. Aucune réaction. Dans la cuisine, Sacha s'empara d'un couteau, celui qui était le plus à gauche dans le tiroir, avec un manche en bois. Puis il regagna le salon et répéta « Maman, tu n'es pas assise comme il faut !» Ça y est, c'est fini mon histoire. Horrible, horrible. Bon. Eh bien, écoutez, hein, je vais... vous laissez avec une musique, je ne sais pas, un petit peu horrible aussi. Allez, à tout bientôt sur Radio Gémozo. là où le pas blesse dans cette France invente. À mort de ce goût écorcé, à mal à monnaie. Exclusion, participation remarquée. Du cache-cache le plus fort dans des affaires déshumanisées. Véritablement, tout s'achète, tout se vend. Pour une consommation aveugle qui vous endort. Allez dormez, je le veux dormez. Ne vous attardez pas sur le sens d'une vie. Esclave du fric. Bang bang, pousse le cerveau à l'envers. Sans prendre le soin d'écouter son prochain. Nous sommes des putains d'automates à qui l'on a étouffé le pouvoir de se lire, le choix de s'insurger. Nous ne pensons plus dans Babylone système. Que la crise vient du gain de l'arnaque sport national reconnu, dans lequel nous faisons tous office de détenus. Peuple révolutionnaire, dont j'attends le mouvement, la révolte et l'insurrection. Got it change it all, got it change it all. N'oublie pas les millions qui ont tué la France. Peuple révolutionnaire, dont j'attends le mouvement, la révolte et l'insurrection. Gotta change it all, gotta change it all. N'oublie pas les millions qui ont tué la France. Ça y est, j'entends qu'on me répond. Encore une voix élevée sans foi pour la fête du monde capitaliste auquel on n'échappe pas. Car il faut bien vivre l'ami, savoir se sortir les doigts. Mais qu'on me mette dans un champ ou un big spliff à la main. De l'oubli de la civilisation, j'irai jusqu'à l'insurrection. Dans ma tête, rien que dans ma tête, je vais tout brûler, tout rêver. Mais où est l'esprit de conquête, de changement dans ses rangs, qui faisait le renouveau après chaque tempête. Aujourd'hui le vent ne souffle même plus. Ne faut pas oublier que dans ces prisons-là, les gardiens sont les billets et nous sommes tous des détenus. Peuple révolutionnaire, quand j'attends le mouvement, la révolte et l'insurrection. Gotta change it all, gotta change it all. N'oublie pas les millions qui ont tué la France. Peuple révolutionnaire, quand j'attends le mouvement, la révolte. Gotta change it all, gotta change it all. N'oublie pas les millions qui ont tué la France. vérité et que l'on laisse traîner de foutues idées au cadeau qui nous empêchent de penser la vérité et que l'on laisse traîner de foutues idées au facho qui nous empêchent de penser. Le droit à s'y méprendre est aujourd'hui biaisé. Là où j'en motive plus que la recherche de notre vérité. L'argent motive plus que la recherche de notre vérité.